Mireille Kanyang. Dimanche 8 septembre, merci madame, monsieur de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Des dizaines d'enfants et jeunes âgés de 12 à 20 ans de la commune Gihanga en province Bubanza partent illégalement à la recherche du travail en Tanzanie. Les parents s'inquiètent. En province Ngozi, la direction provinciale de l'enseignement hausse le ton. Des directeurs ayant exigé des frais de bancs pupitres et autres doivent les remettre. Le parti Kodebou en province Gitega contre des cotisations au sein de la population, soi-disant pour les prochaines élections. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimane. Écoutez la différence. Bienvenue encore une fois, droit de l'enfant pour débuter cette édition. Certains parents du village 3 de la commune Gihanga s'inquiètent de la situation de leurs enfants amenés en Tanzanie pour d'éventuels travaux. Ils sont âgés de 12 à 20 ans et au moins une trentaine déjà partis depuis août dernier selon les témoins sur place dans ce village. Les autorités judiciaires et administratives à Gihanga tranquillisent et disent être à l'œuvre pour suivre de près la situation et sanctionner les coupables. Une correspondance signée Spes Caritas Kabanyana. Je suis un fils. Nous sommes tous en Aboban. Nous sommes tous en Tanzanie. Nous sommes en Tanzanie. C'est l'un des parents qui se lamente. Les parents contactés au village 3 de la commune Gihanga s'inquiètent et se demandent comment ils pourront revoir leurs enfants. Ils disent que les enfants déjà collectés clandestinement et conduits en Tanzanie se comptent à une trentaine à partir du mois d'août dernier, des filles et des garçons âgés de 12 à 20 ans. Ils précisent également que 5 enfants qui ont pu échapper ont déjà regagné leur famille. La même source dit que ces enfants sont collectés par un certain Tui du même village et qui les amène en Tanzanie, passant par Makamba, selon les témoignages de ceux qui sont revenus. La même source précise qu'ils travaillent dans de grandes plantations de tabac et qu'ils ne reçoivent pas de salaire. Le chef du village 3 nous a précisé que lorsqu'il a été au courant de cette situation, il a convoqué les parents pour les écouter. Ils ne se sont pas présentés et entre-temps, le présumé auteur avait disparu et il reste sans nouvelles jusqu'à présent. Au parquet de Bubanza, on explique qu'un cas pareil est un crime, la traite des êtres humains et qui est sanctionné par la loi. Rukundo Alexis, premier substitut du procureur de Bubanza, dit qu'ils sont à la recherche des présumés auteurs partout où ils sont. Dans cette situation, les faits constituent une infraction appelée de traite des personnes. La loi est en vigueur. Si les faits sont prouvés, rien n'empêche que l'inculpé soit poursuivi et que la victime soit rétablie, soit indemnisée. Le gouverneur de la province de Bubanza appelle les parents à l'encadrement de leurs enfants et il met en garde toutes les personnes impliquées dans cette situation. Cléophas Nézguimane. En tant qu'administratif, nous allons chaque fois informer la population dans différentes réunions pour qu'elles puissent connaître ou suivre de près les activités que leurs enfants font pour qu'ils puissent les encadrer convenablement et pour que ces enfants ne puissent pas suivre des gens mal intentionnés. Les défenseurs des droits de l'enfant au niveau de la FENADEB dans cette province demandent également que les présumés auteurs soient recherchés et sanctionnés conformément à la loi. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. De Bubanza, à l'ouest du pays, rendons-nous un peu plus au nord, en province Ngozi, où le directeur provincial de l'éducation à cette province met en garde les directeurs des écoles de son ressort, exigeant de l'argent comme frais de bancs, pupitres et autres en dehors du Minerval pour donner des places aux élèves. Selon Jean-Pierre Ndikougaïo, ces directeurs devront restituer cet argent car ces frais ne sont pas reconnus. Les parents saluent cette annonce du DPE car selon eux, il y a des écoles qui exigent même 60 000 francs burundais en plus du Minerval pour avoir une place. Le point avec Apollinaire Muzagara. Sur certaines écoles du chef-lieu de la province Ngozi, une certaine somme d'argent est exigée aux parents pour avoir des places de leurs enfants. Il s'agit entre autres des frais de bancs pupitres, frais d'inscription et autres. L'exemple est celui de l'école L'Espérance, qui, selon les parents, exige 30 000 francs comme frais de banc pupitre et 30 000 francs d'inscription. À cela s'ajoute, selon toujours ses parents, le Minerval, l'achat de l'uniforme, de livres et autres, qui, selon eux, pèsent énormément sur eux, vu la situation économique des ménages. Ses parents demandent par conséquent que ces différents frais soient allégés ou supprimés. Jean-Pierre Ndikugayo, directeur provincial de l'éducation en Ngozi, indique que ces frais de banc pupitre et inscription ne sont nullement reconnus par aucune loi. Même le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, à travers différentes réunions, interdit aux directeurs d'école de demander cet argent dit de banc pupitre et autres. D'où Jean-Pierre Ndikugayo, directeur provincial de l'éducation, ordonne à ses directeurs le remboursement de cette somme d'argent aux parents, chose saluée par ses parents en lamentation. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. En province Kayanza, le lycée technique Maramvia de la commune Gatara en cette province souffre d'un manque d'eau potable. Ndaribani, Christian, directeur d'école, dit que les élèves sont obligés d'aller puiser de l'eau dans les marais, dans des sources aménagées proches de l'école le soir. Il demande que cette situation trouve solution avant la rentrée scolaire. Colonel Rémi Chichahaï, gouverneur de la province Kayanza, tranquillise, va contacter bientôt la régie communale de l'eau pour pallier à ce défi. Le point avec Patrick Senghiouvre. D'après Ndalibanye Christian, directeur du lycée technique Maranzia, les préparatifs de la rentrée scolaire de l'année scolaire 2024-2025 vont bon train à cette école. Là, il parlait de la réparation des lits des élèves, de l'extension des blocs de latrines et d'autres différentes activités relatives à la préparation de la rentrée scolaire. Toutefois, le directeur du lycée technique Maranzia déplore que cet établissement scolaire souffre beaucoup de la coupure d'eau potable. Christian Ndalibanye indique que les élèves du lycée technique Maranzia partagent un bloc sanitaire de 34 latrines, dont l'usage nécessite de l'eau, mais que l'eau reste un problème très important à cette école. Le directeur du lycée technique Maramza demande à l'administration provinciale Kayanza d'intervenir pour que cet établissement scolaire soit alimenté en eau potable, surtout selon lui, pour mieux se préparer au respect des mesures d'hygiène et pour barrer la propagation d'un manque qui se bientôt avec la rentrée scolaire. À cette question du manque d'eau potable au lycée Maramza, le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chichayo, promet d'intervenir pour que les trouve solution. Signalons qu'à part le problème lié au manque d'eau potable au lycée technique Maramzia, cet établissement scolaire souffre également du manque d'un véhicule scolaire d'après Christian Ndalibanye, directeur d'école. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiouva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. Le représentant du parti Codebo en province Gitega s'inquiète des personnes des collectes des cotisations à travers la population, arguant que c'est pour financer les prochaines élections étant donné que la période électorale approche. Ezekiel Ndabarushiman exhorte la police et l'administration de prendre au même pied d'égalité tous les partis politiques. Ce responsable du parti Codebo en province Gitega appelle en outre les militants de ce parti à répondre au recensement en cours. Gérard Nibigira. Dans son communiqué, le représentant du parti Codebo, Irag Yandadaye, en province de Gitega, Ezekiel Ndabarushimana, commence par présenter sa satisfaction liée à la bonne cohabitation qui règne entre son parti, l'administration et d'autres formations politiques. Toutefois, il déplore le fait qu'il y a des personnes qui sont en train de collecter des cotisations parmi la population, faisant le porte-à-porte et arguant que ce sont des cotisations qui serviront de financement des prochaines élections. Ainsi, Ezekiel Ndabarushimana invite les administrateurs communaux à ne pas exiger la présentation des quittances relatives à la collecte de ces cotisations pour offrir des services à la population. Il demande aux militants de ce parti de répondre massivement au recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours dans le pays. Étant donné que la période électorale approche, il y prie l'administration et la police de prendre au même pied d'égalité tous les partis politiques. Il termine son communiqué en émettant sa satisfaction lié à certaines bonnes réalisations de l'administration en province de Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. De Gitega, la capitale politique du pays, en donnant province moi, c'est au centre du pays. Plus de 100 hectares ont été emportés par des feux de brousse dans cette province pendant la saison sèche en cours. Jean Bosco Ndendekere, responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE, dans cette province, informe qu'une telle superficie n'avait jamais été incendiée au cours des 5 dernières années dans cette province, nous rapporte Laurent Dikouli. Au cours de la saison sèche en cours, en province Moaro, 104 hectares ont été emportés par le feu de brousse. Selon Jean Bosco Ndendekere, responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, dans cette province, c'est cette année où on observe une grande superficie incendiée comparativement aux 5 dernières années. La commune qui vient en tête pour ces feux de brousse est celle de Bissoro, où 45 hectares ont été détruits par ces feux, suivi par celle de Kayokwe avec 26 hectares emportés par les feux de brousse au cours de cette saison sèche. Il félicite la commune Nyabihanga qui n'a eu aucun cas de feu de brousse pendant la saison sèche en cours. Parmi les causes de ces feux de brousse, le responsable de l'OBP à Moaro dit que ce sont des feux de brousse causés par des personnes qui font la carbonisation du charbon de bois, l'agriculture sur le brûlis, mais aussi des feux de brousse liés au conflit foncier. Jean Bosco Ndendekere, responsable de l'OBP à Moaro, dit que les auteurs des feux de brousse ne sont pas généralement connus. Il rappelle à la population de la province Moaro que les feux de brousse détruisent l'environnement et sont à l'origine des changements climatiques. Il conseille aux habitants de cette province de renoncer à ce phénomène et de dénoncer les auteurs de ces feux de brousse pour qu'ils soient traduits en justice. Aussi, il faut intervenir rapidement en cas d'incendie. De moi, Laurent Dikouli, Radio Isanganiro. Retour en province Kayanza pour parler de ce matériel médical et scolaire ainsi que des semences de maïs sélectionnées et fertilisants ayant une valeur d'à peu près 13 millions de francs burundais qui ont été distribués ce samedi aux familles vulnérables de la colline commune Matongo de cette province de Kayanza par des natifs de cette commune. Gabriel Rufiri qui a représenté ces natifs a indiqué que cette aide s'inscrit dans le cadre du développement durable. Vianney Ndikumana, chef du cabinet au bureau de la province Kayanza, demande aux administratifs et agronomes de suivre de près l'utilisation de cette aide. Le point avec Jean-Marie Vianney Ndikumana. Nous sommes sur la sous-colline Bukiranzuki, se trouve dans la colline et commune Matongo de la province Kayanza, où les natifs de cette colline ont distribué ce samedi une aide composée de matériels médicaux et scolaires, ainsi que des semences sélectionnées et des fertilisants aux familles vulnérables. Gabriel Lucili, qui a représenté ces natifs de Matongo, a indiqué que cet acte ne s'inscrit pas dans le cadre politique, mais plutôt il précise que cela a été fait dans le but de la cohésion sociale et la promotion du développement durable. Celle de Vote Niyuhire, directrice du centre de santé Vanga, se trouva dans cette commune Matongo. L'une des bénéficiaires se réjouit de cette action louable. Elle indique que ces équipements médicaux octroyés par ces natifs de Matongo à ce centre de santé vont contribuer à l'amélioration des bien-être des patients. Vianney Ndikumana, chef de cabinet au bureau du gouverneur de Kayanza, exhorte les bénéficiaires d'utiliser cette aide dans le but de franchir un pas dans le processus du développement durable. Elle appelle en outre les administratifs et les agronomes de suivre de près l'utilisation de cette aide. Cette aide que les natifs de la colline Matongo ont distribuée aux familles vulnérables de cette localité a une valeur équivalente à peu près 13 millions de francs. En République démocratique du Congo, 6 jours après la mort d'au moins 129 détenus lors d'une tentative d'évasion à Makala, la plus grande prison du pays. Le bilan est encore incertain tant l'identification des détenus, y compris de ceux décédés, longue et difficile, écrit les RFI. Officiellement, les autorités parlent toujours de 129 morts abattus par les forces de l'ordre ou étouffés, piétinés lors du chaos qui s'est abattu sur cette prison de Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 septembre. Aucune évasion n'a en revanche été signalée. Une commission interservice de sécurité a été mise en place pour enquêter sur ce drame. Vendredi 6 septembre, lors de la réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la prise en charge des victimes, promettant d'y associer des ONG des droits de l'homme. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui assurait la mise en onde. Au revoir.